On dit aux femmes d'être belles, on dit aux femmes d'être un modèle, on dit aux femmes d'être actuelles, tout en restant traditionnelles. Nous vivons dans un monde tellement superficiel. Pourquoi l'apparence est pour vous si essentielle? Moi je préfère être rebelle, ne pas suivre vos voies. Moi je ne peux pas vivre en chapelle, sois belle et tais-toi. Je ne pense pas être exceptionnelle. Je me pose des questions existentielles. Est-ce vraiment un état accidentel? Quand on voit le monde actuel, partout sont placardés ces idéaux de beauté. Ces barbies dans les magazines vont nous les égaler. Ces corps parfaits, ce n'est pas la réalité. Allons leur dire qu'on ne veut pas leur ressembler. Ne pas perdre la tête, mesdemoiselles, quand on voit la télé dans ces émissions poubelles, ces femmes qui ne font pas dans la dentelle, comme si c'était la vie de se promener toute la journée en bikini. Laisse la folie, folie, laisse la folie. Laisse entrer la folie, laisse entrer. Laisse entrer la folie, laisse entrer. Laisse entrer la folie, laisse entrer. Laisse entrer la folie, laisse entrer. Folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie. Folie, entrer dans ta vie, laisse la folie, folie, entrer dans ta vie.